Musique. Toi, musique. Ton ami veut de la musique. Branche ma guitare. Branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Le cas de tout à fond, je vous fais chier à laisser vos merdes. Tu crois que ça va être tout à fond, le rock, c'est tout à fond. Cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. Bienvenue à toutes et tous dans Les Générations Rock, une émission de Radio Fadjet qui vous propose de remonter le temps musicalement avec une programmation entre 1960 et 2010. J'espère que votre journée a été bonne et pour vous divertir, je vous propose une playlist à base entre autres de grunge, rock celtique, post-hardcore, pop anglaise, french pop et heavy metal. Le tout, comme d'habitude, dans un mélange de groupes connus et d'autres moins. On a commencé avec Come As You Are de Nirvana, sur le célèbre Nevermind, produit par Bushvik. L'album est sculpté et accessible. La voix de Cobain, enregistrée sur deux pistes, ajoute du poids aux chansons. Cette méthode a été inspirée à Vig par le producteur des Beatles, George Martin. L'utilisation de cette technique a convaincu un Cobain, pourtant réticent au début, puis convaincu par le fait que Lennon le faisait. Autre groupe de Seattle, membre de l'écurie Sub Pop, Madonna. Ils sortent en 91 Every Good Boy Deserves Fudge, enregistré sur une console 8 pistes. Aux États-Unis, cet album va devenir une référence de la scène grunge. Pour ma part, j'ai choisi un morceau plutôt calme avec Good Enough. « Smashing Pumpkins avec Cheryl Brook, extrait de leur second album Siamese Dream, sorti en 93, produit par l'inévitable Bushwick. Originaire de Chicago, cet album traite celui de la reconnaissance pour le groupe, dirigé par son chanteur mégalomane Billy Corgan. Celui-ci sort d'une phase dépressive et devient totalement maniaque. La légende dit que c'est lui seul qui a joué de tous les instruments, à l'exception de la batterie. Cherchant la perfection, on parle de 70 prises de son pour le titre Soma, à l'inverse du bouleversant Disarm enregistré en une seule prise, titre qui aura sa place dans une prochaine émission. On part pour Boston, où dans le quartier ouvrier irlandais apparaissent en 96 Dropkick Murphys avec un punk celtique indépendant, puisque créant plus tard leur propre label sur lequel ils sortiront leurs albums, même lorsque le groupe connaîtra le succès. Fiers de leurs origines, ils ne cesseront de s'investir dans le milieu caritatif de leur ville. En 2005, sort l'album The Warrior's Code, contenant ce qui va devenir un hymne I'm Shipping Up to Boston, repris par Scorsese dans le film Les Infiltrés et aussi utilisé par les clubs sportifs de la ville. Self-despise, close the window to the pain, hear the siren serenade. Could have been a comeback kid, the Sapphire's legend left to fill, the shadow boxer, but the one that you contender for the crown. Now this punch drunk in its soul, in its corner, begs no more. But it stole. autre groupe étiqueté punk rock celtique, Floggin' Molly, même si là c'était plutôt une balade folk bien nerveuse. Punch Drunk Grimmin' Soul, extrait de l'album Float sorti en 2008, un opus plus sombre et politique que les précédents. Le groupe est basé à Los Angeles, mais son fondateur Dave King est né en Irlande et jouait dans des formations de hard rock, ce qui l'a amené dans la Cité des Anges. Loin du pays, il va renouer avec ses racines et délaisse le heavy metal pour le punk celtique. À noter que Dave King rédige ses textes sur une machine à écrire datant de 1916, en référence à l'année de l'insurrection de Pâques en Irlande. On va durcir le son avec Fugazi, groupe post-hardcore de Washington DC. Fugazi est un des emblèmes du rock indépendant, sortant tous leurs albums sur le label Discord Records, cofondé par leur chanteur-guitariste Ian McKay. Ils refusaient tout merchandising, vendaient leurs albums à pas plus de 7€ et des places de concert à des tarifs accessibles à tous. En 93, Fugazi sort son quatrième album, In On The Kill Taker, si bien résumé par un internaute. La noise et le hardcore se privent du luxe du vertige. Ils font un grand saut de l'ovid et tombent dans les filets de Fugazi. Ils sont triturés, modelés, rendus esclaves du bon vouloir du groupe. Fugazi les dompe, les polie, mais c'est afin de les rendre plus acérés. I'm not afraid to die. Vixen avec On Fire Fire sur le premier album Slipe sorti en 93. Formé à New York, le groupe tend jusqu'à la rupture sa musique dans une ambiance sombre, voire étouffante. Des concerts implacables où ça ne rigole pas. Un mur du son autiste pour vous broyer. Bien que sur une major, la musique intransigeante du groupe ne percera pas sur le grand public. Vous écoutez Les Générations Rock sur Radio Fadjet et on entame la deuxième partie de l'émission avec la page pop, à commencer par les londoniens de Suède, avec le titre Héroïne, extrait de leur second album Dogman Star, sorti en 1994. Le chanteur Brett Anderson souhaite, avec cet album, s'éloigner de la légèreté de la pop, donnant au disque une tonalité plus sombre que leur premier opus. En témoigne le magnifique morceau The Asphalt Girl, qui dure 9 minutes, donc difficilement diffusable en radio. Mais l'enregistrement marque la rupture entre Anderson et le guitariste Bernard Butler, autre compositeur du groupe. Différent humain, mais aussi artistique, Butler considérant que le groupe ne va pas assez loin dans l'improvisation et veut virer le producteur du disque. Finalement, c'est Butler qui claque la porte avant la fin de l'enregistrement. Au final, Dogman Star sera un échec commercial, trop éloigné des standards de l'époque. Took her bowling, got job on the side, and a health shop keeps me well now. Got my mantra alive, got my karma and a sugar bride. Avec Showgirl sur leur premier album intitulé New Wave, sorti en 93. Rattaché à la scène Britpop, Luke Hens, le leader du groupe, rejette avec mépris cette étiquette, même si l'album reçoit de très bonnes critiques. Luke Hens, homme intègre qui rejette le business model de l'industrie du disque, se tiendra toujours à la marge des courants dominants. Pas étonnant qu'il collabora ensuite avec un autre rebelle, Steve Albini. Après The Otters, il lança différents projets, dont le subversif Bader Meinhof, consacré au groupe terroriste allemand d'extrême gauche des années 70. Certainement qu'aujourd'hui, il serait condamné pour apologie du terrorisme. Passons au Laz, groupe de Liverpool, qui ne sortira qu'un seul album en 90. Ils passeront 2 ans à enregistrer ce disque, toujours insatisfaits de leur travail et changeant à plusieurs reprises de producteur. Finalement, la maison de disques décidera de le sortir sans l'accord du groupe. L'album est pourtant encensé par les critiques, ce qui n'empêchera pas The Laz de se séparer. On a déjà diffusé dans une précédente émission le tube Where She Goes, donc on va écouter Timeless Melody. Caught on winds, babe, earth and her life. very clear just what you're doing here. You gotta move on. You better move on. Rubies and pearls, the treasure of the nights. Couldn't have them all. Tell me all about it. Only Ones avec Peter and the Pets qu'on retrouve sur les rééditions de leur premier album The Only One, sorti originalement en 78. En pleine vague punk, The Only Ones sont à part, un groupe de vieux, ils ont tous la trentaine. Ils ont signé chez une major et leur leader Peter Perrett ne s'en cache pas, il voulait de la thune pour se payer sa cam. Mais surtout musicalement, on est sur une autre planète, celle du désenchantement romantique. Peter Perrett se révèle en grand songwriter dont la voix toujours sur le fil vient vous susurrer la spirale des splendeurs et des misères. Après trois albums, les Only Ones, qui finiront dans les bacs à soldes, Peter Perrett disparaîtra des écrans radars avec ses seringues, avant de revenir à la fin du siècle, puis ressourcé, il sortira trois albums solo entre 2017 et 2024. Direction Paris, avec le groupe Exxon Valdez, qui sort en 2009 son second album, Never the Edge of Something Beautiful, qui recevra de très bonnes critiques, dont celle des Arocs qui les décrit ainsi « Un genre de pop, fervente, tremblée d'une voix qui dit le cœur brisé et la sincérité. » Exxon Valdez est passé maître dans la mise en scène de sa mélancolie et des refrains qui vont avec. Puissante ou sensible, jamais pompière, ses chansons méritent toute notre attention. On va écouter « Last Year » d'Exxon Valdez. Come on. My Mind avec la chanson Poison présente sur leur premier album sorti en 2007. Duo parisien qui fit ses armes au sein des British Hawaii, influencé par les Pixies, il passe avec Hey My Mind à une pop folk mélange de douceur, de mélancolie, le tout avec un brin d'humour. Après un break, ils sont revenus en 2020 pour deux nouveaux albums. Changement radical d'ambiance, c'est ça la marque de fabrique Les Générations Rock. On va laisser pousser les cheveux pour être bangé avec un mastodonte du heavy metal, Iron Maiden. Tête de pont de la New Wave British Heavy Metal, cette scène anglaise qui, à la fin des années 70, va mettre au placard avec un métal puissant et rapide les vétérans tels que Led Zepp. Beaucoup de groupes, mais peu d'élus qui réussirent à percer comme Iron Maiden le fit. On écoute The Trooper sur l'album Peace of Mind, sorti en 83.